C'est moi, c'est Victor. Allô? C'est Victor qui joue de la flûte. J'arrive pas à parler sur le chat. Ah, ça marche. Moi, je joue de la flûte. Allô? Et pourquoi ça marche pas le chat? Bonjour. Allô? Salut. Je crois que ça marche pour tout le monde. Par contre, non, Kissmider, on t'entend pas, je crois. Je t'entends, Georges. Ah si, ça marche, génial. En fait... Ok, super. Test. Trop bien. Super. Oh si, en fait, on m'entend, c'est ça. Je suis pas très fort, c'est ça. Tout à l'heure, c'était. Je crois que c'est bon, t'es un bon niveau, je pense. Il y a un gros décalage. Ah mince. Bah, quand ça fait ça, il faut redémarrer le logiciel, en fait. Mais est-ce que ça diffuse sur la radio, alors? Alors, il faut que je lance le logiciel, mais normalement, ça devrait marcher. Ouais. D'accord, ok, cool. Normalement, hein, je sais pas encore. Je vais te dire ça tout de suite. Allô. Ok, je vais couper tous les. Yo. Tous les trucs de téléchargement. Ah là, par contre, t'es pas fort du tout. Yo. Ok. Alors normalement, là, wow, normalement il y a Arsène déjà, et normalement c'est la radio fonctionne. Donc je vais vérifier sur le site. Moi, j'ai une super latence en fait. Ok. Bah, dans ce cas-là, ouais, il faut relancer le logiciel. Enfin, faut quitter et revenir. Ouais. Je sais pas si ça avait marché quand t'avais essayé tout à l'heure. D'accord, je peux pas faire le micro.